Dieu, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce. Mes yeux verront Jésus par la grâce de Dieu, mes yeux verront Jésus par la grâce de Dieu. Moi je serai enlevé par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Par la grâce, on t'appelle même frère, par la grâce de Dieu, on t'appelle même la sœur, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce. Si qu'elle est longue, il n'a bien la yo. Nous louons celui qui vit au siècle des siècles.